Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM pour une nouvelle émission du Nid de Pie. Merci d'être toujours à l'écoute. Dans la chronique, je vous présente la découverte fracassante et tonitruante au début des années 1960 d'un nouvel ordre de mammifères par le professeur Harald Stumke, les rhinogrades. Dans l'interview, j'ai la chance de recevoir Jacques Mitch, réalisateur de films spécialisé ces dernières années dans les documentaires. Il vient nous présenter son métier et ses projets. Bonjour Jacques, et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. La construction de nouvelles connaissances emprunte parfois des chemins surprenants. Celle de la découverte accidentelle d'un ordre nouveau d'animaux au milieu du XXe siècle en est un exemple frappant. Remontons dans le temps. Nous sommes en 1941, en pleine guerre du Pacifique. Le Suédois Einar Pettersson Skagfist fuit la captivité japonaise et traverse la mer du Sud. Il trouve finalement refuge sur l'île d'Assaalor, l'un des territoires de l'archipel des Aïaïaï. Il est alors interloqué par la faune et la flore foisonnante qu'il y trouve et qui semble épargnée par les activités des habitants, les Uacha Hachi. Des insectes aux formes archaïques, des oiseaux du genre Ipsiboas, pas de reptiles ni de fourmis, le peuplement de ces îles est hors du commun. Mais les créatures les plus intrigantes de l'archipel, ce sont des petits mammifères qui possèdent tous, pour caractéristiques communes, un appendice nasal plus que proéminent. On les baptise les rhinogrades ou nasins. Plusieurs scientifiques de renom se passionnent pour ces animaux étranges et décrivent leur morphologie, leur anatomie et leur comportement. Les premiers travaux fondamentaux émergent grâce aux efforts du spécialiste Broméante de Burlas, auquel d'autres grands noms feront suite, comme le célèbre français Louis de Buffon et ses collègues Iri Egingari et Cheblin. Les systématiciens rencontrent aujourd'hui encore des difficultés pour les classer, certains les plaçant près des proboscidiens, comme l'éléphant, du côté des insectivores, comme les musaraignes, ou près des rongeurs qui englobent gerbilles et souris de tout poil. Mais tous sont unanimement subjugués par le nasarium de ces animaux, un nez très développé aux formes variées qui peut servir à la fois de membre pour se déplacer ou d'appendice multi-usage pour s'alimenter. On dénombre sur les différentes îles de l'archipel pas moins de 15 familles de rhinogrades qui comporteraient près de 140 espèces, presque toutes endémiques. Comme les fameux géospies, les pinsons de Darwin, les régimes alimentaires des rhinogrades varient selon les îles sur lesquelles ils habitent. La majorité sont insectivores, mais d'autres pêchent ou se régalent de fruits. Leur appendice nasal change donc de forme selon leur fonction. Laissez-moi vous présenter quelques-uns de ces incroyables nasins. Le nasin poulpe, Elaenopsis terebellum, vit dans de petits terriers sous les pierres et les racines. Notre rhinograde ressemble à s'y méprendre à une musaraigne avec son pelage gris-brun et ses pattes rosées. Mais ça, c'est sans compter sur son nez. À la nuit tombée, si vous vous postez devant l'entrée de son trou, vous observerez 4 à 6 rubans roses de 2 à 3 mm de large pour 30 cm de long. Ces terminaisons, qui sont en réalité des extensions nasales, attirent les insectes comme du papier collant. Et sitôt ceux-ci collés, les rubans se rétractent et disparaissent dans le refuge. L'oreille volant, Autopteryx volitans, l'un de mes favoris, possède un long nez allongé qui ressemble fortement à une patte grêle d'oiseau, comme celle d'un flamant rose. Notre créature possède 2 grandes oreilles allongées qui peuvent rappeler celles des bilbis australiens. Ses oreilles démesurées lui permettent, quand elles sont battues vigoureusement, de faire un vol plané, quand la détente de son nez génère un saut qui le projette violemment en arrière. Son pelage irisé lui permet de rivaliser de beauté avec les coléoptères les plus brillants et les colibris les plus colorés. Les insectes qui lui servent de repas ont tout intérêt à prendre leurs ailes à leur cou. Mais le plus emblématique des rhinogrades n'est autre que le grand nasobème, Nasobema lyricum. Appelé Onatata par les autochtones qui le considèrent comme un animal sacré, c'est le plus connu des nasins du sous-ordre des polyrhines. Un pelage gris-argenté, une queue rose dénudée et des oreilles rondes permettent de le reconnaître facilement. Comme son nom l'indique, son nasarium se décompose en 4 parties bien distinctes, assez longues, sur lesquelles l'animal prend appui lors de ses déplacements. Les membres postérieurs sont minuscules et atrophiés. Ils sont sans doute amenés à disparaître au fil des générations. Les membres antérieurs, eux, sont allongés pour saisir les fruits dont ils raffolent, tout comme sa longue queue qui est utilisée comme un lasso. J'aimerais vous décrire dans le détail les modes de vie surprenants du Corbulonas merveille, du Nasobème carnassier de Eberer, du Reniflard chuintant ou de l'Ursonas velu, mais malheureusement, le temps de nous émerveiller nous est compté. Tout comme l'arrivée d'Einar Peterson Skandvist sur l'archipel a précipité le trépas de sa population à cause d'un rhinovirus particulièrement virulent, les rhinogrades ont eux aussi rencontré un funeste destin. L'archipel des Ai-Ai-Ai n'existe plus, rasé en 1957 par des expériences atomiques tenues secrètes. Avec ces îles, c'est tout l'Institut Darwin et son équipe de recherche à qui l'on doit ces avancées uniques sur les mœurs des rhinogrades qui se sont retrouvées submergées par les flots. Seul le manuscrit d'Harald Stumke, Anatomie et biologie des rhinogrades, la Bible en la matière, a pu être sauvé in extremis. Les zoologistes de tous les pays ont donc longtemps pleuré l'extinction des nasins, se contentant de quelques rares spécimens cachés dans les réserves de nos muséums ou de photographies survivantes. Plusieurs expositions ont tout de même pu voir le jour grâce à des travaux de reconstitution minutieux à Genève, Strasbourg, au Havre, à Neuchâtel ou encore à Paris, dans la vénérable Grande Galerie de l'Évolution. Les rhinogrades pouvaient donc briller fièrement au firmament des espèces tragiquement disparues, comme le dodo ou le thylacine. Mais ça, c'était sans compter sur l'expédition sur l'île de Espiritu Santo, au Vanuatu, en 2006, menée conjointement par le Muséum National d'Histoire Naturelle, l'Institut de Recherche pour le Développement et de Pro Natura International. Le professeur Jean-Noël Labatte, fameux et regretté botaniste du muséum, a rapporté des échantillons de bois exotiques sur lesquels il aperçut des perforations. En les observant de plus près, il fut en mesure d'identifier des galeries aménagées par des petits mammifères dont le nez évoquait la forme d'une mèche à bois. 7 spécimens furent retrouvés dans les échantillons et analysés à la loupe. Les analyses génétiques ont tranché. Ce sont des rhinogrades. 3 toutes nouvelles espèces, encore jamais documentées à ce jour, viennent donc grossir les rangs du bestiaire. Nasoperforator bougoni, bouquetti et l'aiguilladerie. Et le comportement de ces nasins-là est tout aussi hors du commun que celui de leurs cousins. En s'appuyant sur les parois de leur galerie, les petits animaux font un tour complet sur eux-mêmes en s'appuyant sur leurs pattes. Ils érodent ainsi le bois du bout de leur museau. Plus fort encore, on a découvert que Nasoperforator possédait dans son microbiote de quoi digérer la cellulose et la lignine, les composants du bois, ce qui en fait le premier mammifère capable d'une telle prouesse. Mais comment se fait-il que ces rhinogrades se retrouvent au Vanuatu, à des milliers de kilomètres de leur archipel d'origine? Eh bien, les scientifiques suggèrent qu'ils se seraient infiltrés dans les cales des bateaux. Certains soupçonnent même nos nasins d'avoir causé la perte de certains navires tragiquement perdus en mer. Ce serait peut-être le cas de la fameuse expédition menée par le comte de Lapérouse, dont le sort, paraît-il, aurait inquiété le roi Louis XVI, qui aurait demandé de ses nouvelles jusqu'à la veille de son exécution. L'Astrolabe et la Boussole, les 2 navires de l'expédition, ont pu être scrutés avec précision au cours de nombreuses missions d'exploration sous-marine, et les coques présentent bien des tunnels similaires à ceux perforés par un Nasoperforator. Tout prend sens! Et les rhinogrades ne se cantonnent donc pas uniquement aux étagères de collection d'animaux disparus de nos institutions. Alors, je vous arrête tout de suite. Je sais que vous allez être déçus, mais il faut que je vous le dise. Les rhinogrades n'existent pas. Ils sont le fruit de l'imagination fertile de Gerold Steiner, professeur de zoologie à l'université de Karlsruhe, l'alter ego bien réel d'Harald Stumke, le fantasque zoologiste-auteur à qui il prête sa plume. Tout est fait dans cet ouvrage pour piéger le lecteur. Les termes savants, parfois rendus plus complexes encore, juste pour le sport. Les descriptions détaillées et précises du mode de vie de ces animaux. Et puis le ton formel et ampoulé, et le jargon. Et puis le décorum et l'institution. Ce n'est pas un hasard si c'est la prestigieuse maison d'édition Masson qui a publié la première version du manuscrit, avant que Duno, respectable maison d'édition universitaire, ne prenne le relais. Les noms des scientifiques évoqués semblent crédibles. On y voit associer les noms de leurs labos ou de leurs institutions de rattachement. Et certains complices jouent même le jeu. Dans l'annexe publiée en 2011, on croise des professeurs facétieux du Muséum d'histoire naturelle encore en poste aujourd'hui, comme Marc-André Sellos, Hervé Le Guyadet ou Guillaume Lecointre, auteur de la postface. Et la préface originale par Pierre-Paul Grasset, président de l'Académie des sciences en 1967, figure d'autorité aux centaines d'articles scientifiques publiés, achève d'enfoncer le clou. Et puis, il y a cet usage très sérieux et authentique des noms latins, dont l'étymologie est expliquée en notes de bas de page, et que personne n'oserait questionner. Pourtant, certains sont plutôt comiques, comme celui du nasobème, qui vient de nasus en latin, qui veut dire le nez, et de bema en grec, qui veut dire la marche. Littéralement, son nom signifie pied de nez. Le texte de Steiner constitue un canular convaincant, très justement dosé, au ton précis et académique, mais dont la fantaisie transparaît avec assez de force pour amuser les lecteurs sans les berner totalement. Les techniques de chasse des animaux sont toutes plus fantaisistes les unes que les autres, et certains noms d'îles ou de scientifiques prêtent rapidement à sourire. L'histoire des rhinogrades est fantasque et pleine d'imagination. Elle amuse, mais laisse aussi libre cours aux fantasmes. Qui ne rêverait pas de découvrir de nouvelles espèces spectaculaires ? Les cryptozoologues les plus fervents y consacrent toujours leur existence, et de sérieux universitaires également. Les rhinogrades nous rappellent à quel point les découvertes sont grisantes, à quel point nous souhaitons être émerveillés. Mais s'enthousiasmer ne veut pas dire être crédule, surtout à une ère où les informations, vraies ou fausses, circulent à vitesse supersonique. Aujourd'hui encore, des descriptions animalières presque aussi tarabiscotées que les mœurs du Primnase de Haeckel continuent d'être gobées et sans sourciller. Personne n'a jamais vu de ratel, ce blaireau vindicatif africain, se coordonner avec l'oiseau indicateur pour trouver du miel. Ni d'oiseau pluviant nettoyer les dents du crocodile après son repas. Et pourtant, dans tous les livres consacrés à l'entraide animale, même les plus récents, ils figurent en bonne place. La faute à des croyances qui ont la peau dure. Pourquoi inventer et rajouter une couche sur la réalité quand la diversité animale est déjà sans limite? Et si en réalité, nous aimions croire aux histoires, qu'elles soient ou non de pure fiction? Comme le disait si bien Pierre-Paul Grasset dans sa préface de l'ouvrage, « Souviens-toi que les faits les mieux décrits ne sont pas toujours les plus vrais. » Et nous revoici avec notre invité, Jacques Mitch, réalisateur de films. Alors, pour vous présenter un petit peu, avant d'entrer en école de cinéma, vous avez étudié la biologie, un intérêt qui se traduit assez nettement dans les sujets abordés dans vos films, que ce soit l'histoire naturelle du rire, les animaux médecins, on l'appelait cannelle, ou encore le blob, un génie sans cerveau. Alors, comment êtes-vous passé de l'un à l'autre, de la biologie au cinéma ? Mais la passerelle, ça a été la photo, en fait. Quand j'étais... J'ai commencé par faire des études de biologie, puis je faisais beaucoup, beaucoup de photos. Et puis finalement, l'image a pris le dessus, quoi. Donc j'ai fait une école de cinéma et j'ai commencé à faire des films et j'ai pu arrêter, voilà. Mais le sujet de la biologie est quand même important, puisqu'il est quand même toujours, souvent, même dans les œuvres de fiction, on y reviendra, au centre de vos créations. Tout à fait, ça revient au galop, le naturel revient au galop. Il ne faut pas le chasser, Hervé. Voilà, donc, mais bon... Je m'intéresse à autre chose que la biologie. Oui, je me doute. D'ailleurs, on y reviendra. C'est vrai qu'il y a des thèmes qu'on retrouve dans vos travaux, la musique notamment. Alors, au début de votre carrière, comme on le disait, vous avez surtout réalisé des courts-métrages de fiction qui mettaient souvent en scène, moi je trouve, des animaux ou des lieux ou des gens de science, comme dans La visite au musée, par exemple. Quand est-ce que vous êtes passé de la fiction au documentaire et pourquoi est-ce que vous avez fait cette transition de l'un à l'autre? Alors, je vais vous répondre un peu de façon bizarre. En fait, ça me va. En fait, pour moi, le documentaire et la fiction, c'est un peu la même chose. Donc, quand j'ai fait mes premiers films à l'université, c'était à l'ENSAV, en fait. J'étais dans une des premières promotions de l'école de cinéma de Toulouse. J'ai commencé par faire des documentaires, mais bon, je les écrivais un peu de... je l'ai fictionné, voilà, je l'ai fictionné. Donc j'ai commencé comme ça. Et après, à mon avis, aujourd'hui encore, je pense que dès qu'on sort une caméra et qu'on filme des gens, le naturel disparaît souvent. Et voilà, donc on est un peu dans la fiction. Donc je travaille un peu comme ça quand même. Ma façon de travailler, c'est très fictionné, quoi. Donc comme je fais de l'humour, après en ce moment je fais un film totalement en immersion sur l'ensemble baroque de Toulouse où il n'y a pas du tout de fiction, quoi. Mais je peux faire ça. Mais mon travail spécifique, c'est plutôt ça. Donc le documentaire fiction, pour moi, c'est un peu la même chose quelque part. Ouais. Parce que quand vous parlez de fictionné, c'est vrai que le grand public s'en rend pas forcément compte, même si dans un docu, ce sont des faits réels que l'on découvre. Il y a quand même une mise en scène, il y a quand même un script. Vous avez comme en film de cinéma avec des acteurs, un storyboard, un fil conducteur que vous suivez. Pas un storyboard, mais une ligne éditoriale et puis une ligne esthétique aussi. Par exemple, quand on est allé filmer, je suis allé par il n'y a pas longtemps en Afrique, en Côte d'Ivoire, on suivait des primatologues qui allaient voir des chimpanzés dans la jungle. Alors, la question c'était, est-ce qu'on les filme comme dans un film de fiction, comme Indiana Jones par exemple, ou est-ce qu'on les filme plutôt caméra à l'épaule, un peu comme le Blair Witch Project? Voilà, pour faire voir qu'on y est, ça dépend de l'intention de réalisation. Mais il y a toujours une intention de réalisation. Enfin, oui, il y a toujours une patte, il y a toujours un style. Il y a toujours, quel que soit le réalisateur, sinon, enfin, le travail du réalisateur, c'est de montrer, d'avoir un regard sur les choses. Donc c'est important d'avoir une ligne de conduite précise, quoi. Et vous, c'est vrai que vos docus, moi je trouve qu'on les reconnaît quand même bien. Il y a une patte, Jacques Mitch. C'est vrai que l'humour, il est quand même toujours, même si c'est par petites touches. Et puis, il y a une mise en scène. Moi, je trouve que, notamment dans la manière dont vous présentez les chercheurs, les chercheuses que vous mettez en avant, il y a souvent une pointe d'humour. C'est quelque chose qu'on vous encourage à mettre en avant ou au contraire, il faut parfois un peu lisser vos envies pour que ça rentre. C'est un peu le contraire parce ouais. Il faut reconnaître que le cinéma scientifique est très formaté quand même. Ah, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de... Par le cinéma anglo-saxon, je veux dire, si vous regardez les films de... On ne sait pas qui c'est qui a fait exactement, le film. Exactement, ouais. Bon, moi, en fait, j'essaye de mettre un peu d'humour, un peu de légèreté dans le propos scientifique. Voilà, donc c'est pour ça qu'on m'a fait faire des films, qu'on finance mes films. C'est-à-dire que les gens, ils aiment bien avoir des choses un peu différentes aussi, sinon... Tous les films sont les mêmes. Bah quoi, oui, donc, c'est ennuyeux. Mais c'est vrai que c'est. Moi, je m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai qu'autant en film de cinéma de fiction, bah voilà, des réalisateurs, il y en a plein qui ont leur univers bien particulier dans les docus. C'est vrai que c'est beaucoup moins évident de se dire, bah ce film-là, je sais qui l'a fait parce qu'on reconnaît son style, quoi. Alors, est-ce que voilà, c'est aussi des demandes des institutions qui veulent que on se concentre sur le propos plus que sur la forme du film? Non, non. Enfin, je veux dire, oui, on se concentre sur le propos, mais après. Après, la forme est importante aussi. Bah oui, sinon, il n'y a rien de plus facile que de faire un film scientifique chiant. Donc, c'est tellement compliqué de parler du blob ou de physique quantique. Donc, si on y met un peu d'humour et si on amène des métaphores un peu pour... C'est ça, là, on rentre dans la vulgarisation. C'est bien pour moi, je fais des films pour tout le monde. Ouais, quoi. C'est donc, ça. C'est ça le plus important, quoi. Alors aussi, je trouve que dans vos productions, on sent un intérêt certain pour les personnages, on va dire, colorés. Moi, j'ai envie de dire truculents, parce que c'est un mot qui, je trouve, colle bien. Que ce soit les héros du Mammouth Pobalski, ceux de Jour de chasse, ou encore les protagonistes de vos portraits, Alain Lasserre, taxidermiste, ou Hermann Heinzel, ornithologue. Je voulais savoir d'où vous venez cette envie d'expérimenter ce format du portrait. Parce que vous avez quand même pas mal ces formats courts, où on se focalise sur un personnage et on le suit. Ben ça, je veux dire que c'est naturel, en fait. Non, à l'université, quand j'ai fait mes études de cinéma, j'ai commencé par faire des petits portraits. Et puis je continue encore avec ma série qui cherche. Et même les gens qui sont pas truculents, j'aime bien les mettre en scène aussi. Mais à la fin, ça dégage une empathie, je trouve. Complètement. Il y a des chercheurs qui aiment pas être filmés. Et à la fin, donc, une fois que j'essaye de les tourner, de les tordre, on va dire. Et à la fin, ils sont voilà. Donc c'est un peu une façon de travailler que j'ai avec les gens aussi. Ouais, ça. C'est très humain, quoi. Voilà. Ouais, complètement. Et puis ça désacralise aussi un peu la notion des scientifiques, de voir que ce sont des gens comme les autres et qu'ils peuvent aussi avoir de la fantaisie et qu'ils ne sont pas tous chiants, quoi. Voilà, c'est l'objectif de mes films, hein, de voir que les scientifiques sont des gens comme les autres, quoi. Voilà, donc. Alors justement, vous évoquiez cette série Qui cherche, donc une série de portraits, vous en avez fait tout plein, je ne sais pas combien vous en avez fait, une cinquantaine, en quelques minutes où vous dressez le portrait de scientifiques et ceux sur quoi ils travaillent, en partenariat avec Science Animation, maintenant Instant Science. Alors quels étaient les défis, un peu, et les contraintes de ce format-là? Parce que c'est très court, il faut aller filmer des scientifiques qui ne sont pas forcément à l'aise avec la caméra, alors du coup, c'était quoi un petit peu, voilà, ce qui s'est passé dans cette expérience-là? C'est une histoire magique, parce que le premier personnage que j'ai filmé, c'est Audrey Dussoutour. On a fait le pilote avec Audrey, et l'objectif, c'est John Lango de Instant Science qui m'a demandé de faire des petits portraits. Voilà. Donc moi, j'ai essayé de trouver une forme un peu originale. Mmh. Bon, c'est des films qui font 3 minutes, 3:30. Ouais. Voilà. Donc c'est monté d'une certaine façon, si les gens vont les voir. Voilà, donc et puis après on s'est pris au jeu et puis voilà, donc en fait quand je fais ce genre de portrait, je fais pas un film sur quelqu'un, voilà. J'explique aux scientifiques que je vais faire un film avec eux, on va le faire ensemble. Donc je lui demande de me préparer ses propres dialogues, c'est pas moi qui, je vais pas lui poser des questions, c'est lui qui parle tout seul, quoi. Voilà. Mais c'est écrit en amont, ça veut dire que c'est tout est écrit, ouais, tout d'accord. Est écrit. Et voilà, donc on refait des prises. Si c'est pas bien, on refait des prises. Des fois, on met plusieurs prises. voilà, donc c'est très particulier comme façon de travailler. Ouais. Et ça, pour avoir un format court, parce que là aussi, je pense que le grand public ne se rend pas trop compte, pour avoir un résultat final de 3 minutes 30, vous, en temps de tournage, ça vous prend combien de temps? Alors là, c'est pareil, il y a un protocole très précis, c'est 4 heures de tournage avec le scientifique. Pile poil, voilà. Donc, en fait, en général, ou entre 3 et 4 heures, voilà, j'en fais un le matin et l'après-midi. Donc, voilà. Donc ça carbure. Et tout est écrit. Ah oui, ça carbure. C'est l'après-midi, on est bien, quoi. Tout est écrit, donc tout est préparé. Moi, je suis allé repérer. J'ai rencontré une ou deux fois le. En amont, je vois le labo, je vois ce qu'on va faire, tout ça. Tout est écrit avec le scientifique, voilà. Et ça veut dire qu'il faut que vous ayez quand même une idée du lieu, visuel, pour savoir aussi ce que vous gardez. C'est le scientifique qui propose. Je lui dis, c'est votre portrait. Choisissez ce que vous allez faire. C'est même quand c'est un informaticien, c'est très compliqué de filmer des informaticiens. C'est pas toujours très sexy l'écran d'ordinateur. C'est vrai que ça fait pas, c'est pas rêver l'aventure. Ça m'est arrivé, donc. mais bon, on peut trouver toujours des choses à filmer. Ouais. Un angle, une approche. Ouais. Alors, de toute façon, c'est ce dont on parle. Hein. C'est vrai que moi, je trouve qu'on sent dans tous vos documentaires, que ce soit les courts-métrages ou les plus longs, que vous avez quand même une tendresse sincère pour les scientifiques que vous filmez. Dans le blob, moi, il y avait une séquence qui m'avait fait beaucoup rire. Il y en a un qui apparaît dans un fauteuil tournant, un peu façon méchant de James Bond, qu'on s'attend à voir caresser un chat sur ses genoux. Dans l'écoute de la nature, moi, j'aime beaucoup. Il y a un des bioacousticiens américains qui a une grande chemise hawaïenne et qu'on voit suivre un pan avec son micro un peu en embuscade. On voit que vous les aimez, que vous aimez les mettre en scène. Alors, je me demandais quand même, est-ce que c'était difficile de les mettre à l'aise et puis de filmer un chercheur ou une chercheuse dans son milieu naturel? Parce que ce sont des gens qui ne sont pas toujours à l'aise avec la caméra, de ce qu'on va faire de leur image ensuite. Alors, comment est-ce que vous faites pour les amadouer? Je les apprivoise, hein, c'est comme... Bah, c'est ça. Voilà, donc, l'objectif, c'est de les apprivoiser. Voilà, donc après, des fois, ça marche bien, des fois, ça marche moins bien. Mais c'est pareil, hein, c'est rendre les gens à l'aise. Voilà, donc après, j'essaye de casser un peu le côté tournage, pose ma caméra. Dans les documentaires d'Arte, je fais ça, hein, on est sérieux. Mais si je peux me permettre, des fois je sors de ce schéma, quoi. Et quand vous filmez, vous arrivez à plusieurs, vous êtes une grande équipe. Par on exemple, est trois, pour les qui cherchent, trois, ça suffit. Trois, oui, donc trois. Vous tenez la caméra? Non, même pas. Même pas. Il y a quelqu'un qui gère l'éclairage, le son? Il y a le caméraman, l'image et le son. Ouais. Et puis moi, sur les qui cherchent, c'est très particulier parce que il y a pas mal de mise en scène et il faut que je me pense qu'à ça. Quoi. Donc sur les documentaires, quand vous tournez 10 jours, vous pouvez voir les choses différemment. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est, je pense, on y reviendra un peu sur le détail de votre métier, mais bon, c'est un métier, c'est le vôtre, mais ça doit être très compliqué de savoir quand vous avez tout ce qu'il vous faut, en fait. Parce que là, on parle de 4 heures de tournage pour 3 minutes 30 de résultat final à l'écran. Quand est-ce que vous êtes sûr d'avoir tout le matériel nécessaire pour faire le montage ensuite, que vous avez les bonnes images en boîte? On n'est jamais sûr. Hein. Ouais. C'est le plus difficile. Du coup, je trouve que je tourne beaucoup maintenant. Je tourne beaucoup. Souvent, les gens sont déçus parce que... Parce que vous devez couper, forcément. Je coupe. Même des gens que j'interview que je ne mets pas dans les films, des fois, quoi, ça arrive. Hein. Au cinéma de fiction, c'est pareil. Il y a des scènes qui sont coupées. Donc je tourne beaucoup. On est obligé. Hein. Donc il y a tellement de choses à dire que vous prenez Erinograd, par exemple. Il y a largement de quoi dire sur Erinograd. Voilà. Donc je tourne beaucoup. Ouais. Je tourne beaucoup et... Et vous n'avez jamais eu besoin de retourner faire des séquences après coup? En général, non. Vous avez ce qu'il vous faut en une fois. Alors, ça peut arriver d'aller compléter, mais en général, non. C'est rare. Et vous avez déjà eu, vous m'avez dit qu'il y a, voilà, il y a des gens des fois qui étaient déçus. Est-ce que sur les qui cherchent notamment, vous avez des retours des scientifiques? Non, jamais. Ah, jamais, jamais personne vous dire bah, j'ai adoré, trop bien. Pour l'instant, adoré, oui. C'est bien si vous avez des retours positifs. Ah, mais très, très positifs. Ouais. Ils se marrent, oui, ils se marrent, ouais. Donc ils sont contents, ils vous ont fait confiance et au final le résultat leur plaît. Ah oui, même beaucoup de chercheurs que j'ai filmés, c'est devenu des amis quoi. Ouais. Je veux dire, Puis j'imagine qu'eux aussi ça valorise leur travail, c'est un outil de com qu'ils peuvent utiliser derrière pour le diffuser. Tout à fait, moi je sais que c'est l'IRIT qui est pas loin là. Bonne question, moi je connais l'IRD peut-être ou non, l'IRIT c'est labo d'informatique. Ah, ok, ça je connais moins bien. Je sais qu'un des chercheurs a présenté, il postulait pour être professeur. D'accord. Et il a présenté le portrait devant le jury et tout. Pour le poste. Ah ouais. Pour le poste. Ça veut dire qu'il vous fait confiance et que ça retranscrivait bien ce qu'il faisait. Donc, Oui, et surtout humainement, parce qu'il y a le côté humain qui ressort, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est pas parce qu'on... voilà, c'est important pour un professeur, il me semble. Complètement. Et puis, c'est vrai que dans vos portraits, on sent aussi la personnalité. Ça se voit à l'écran, ceux qui sont plus à l'aise, moins, ceux qui sont prêts peut-être à tenter des trucs un peu plus fantasques que d'autres. Oui. C'est vrai que ça se voit. Parce qu'à chaque fois, en fait, vous les trouviez comment, vos intervenants? C'était eux qui candidataient ou est-ce qu'ils faisaient partie d'un programme Pour qui cherchent? Oui, notamment. Ah, ben ça, c'est avec Joan Lango. C'est lui qui sélectionne les profils. Oui. Et pour vos autres docus plus longs? Vos intervenants, comment est-ce que vous faites? Là, on a un sujet. On a un sujet, par exemple, l'intelligence des plantes, le rire chez les animaux, l'automédication chez les animaux. Là, il y a des grands spécialistes. C'est pas pareil. Là, c'est du très lourd. Là, ça dure, pour faire le film, c'est un an et demi, voire deux ans. Et puis vous allez loin. Des fois, vous filmez aux États-Unis, vous filmez en Allemagne, au Japon. En Afrique, dans la forêt. Voilà, là, on prend les. En fonction de la thématique, on recherche les plus grands scientifiques. Ceux qui ont publié les plus grands papiers. Au Japon, n'importe où. Voilà. Et après, on prend contact avec eux. En fait, sur ce film, moi, j'ai un conseiller scientifique quand même, pour chaque sujet. Hein. Ouais. Donc, Benoît Grison, qui est sociologue des sciences, m'a pas mal aidé. Il connaît un peu, il a un carnet d'adresses énorme et il connaît un peu tous les domaines scientifiques, voilà, ce genre de personnes. Après, pour chaque film, il y a un conseiller. Quoi. Ouais. Mais outre le fait que ce soit des gens très compétents, c'est vrai que le fait qu'ils soient à l'aise et ouverts à la démarche de vulgarisation, c'est aussi autre chose. Il peut y avoir des gens qui sont excellents scientifiques, chercheurs, mais qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'idée de tourner. Ah ben, il y en a qui ne sont pas du tout à l'aise. Hein. Bon. Mais ça passe quand même. C'est dommage parce qu'après, moi, je peux pas les garder, quoi. Je veux dire, et puis après, ils sont déçus parce que... Voilà. Les derniers films que j'ai faits, il y a des gens à l'aise, puis il y a des gens pas à l'aise, quoi. Mais voilà, le problème, il est là aussi. Hein, c'est que les gens sont déçus parce qu'ils y sont pas et l'autre y est. Bon, après, moi, je prends le meilleur. Bah oui. Et voilà. Enfin, je prends le meilleur de... pas le meilleur scientifique, mais bon, il faut que ça passe, il faut qu'on comprenne ce que le scientifique dit, parce que des fois c'est compliqué. Quoi. Bah oui. Il y en a qui n'arrivent pas à faire la vulgarisation. C'est ce que j'allais dire, qui utilisent le jargon, qui utilisent des mots complexes. Ah oui, complètement. Ouais. Si vous devez sous-titrer tout ce qu'ils disent derrière, c'est pas possible. Enfin, non, mais c'est pas possible. Et puis j'imagine que certains d'entre eux, même s'ils sont très connus, ont peut-être pas beaucoup eu l'opportunité de participer à des documentaires et de faire cet exercice-là. Donc c'est. Oh non, en France, ils sont. Je trouve que les anglo-saxons sont meilleurs, quoi. Aux États-Unis ou au Canada ou en France, des fois, c'est pas... Ils sont plus habitués à cette Je crois qu'il y a même des formations... Oui, complètement. De plus en plus, c'est vrai que ça se développe. En Angleterre ou aux États-Unis, si les scientifiques veulent apprendre à s'exprimer sur leur sujet, communiquer, tout simplement. Non, mais c'est vrai que c'est un travail complètement à part. Alors, du coup, d'un point de vue purement pratique, vous l'avez un peu évoqué, là, quand on parlait de qui cherche, de à quoi ressemblait le plateau quand vous tourniez, avec qui vous étiez. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas forcément comment fonctionne cette industrie-là, comment est-ce que ça se monte, un film ? Les producteurs, les chaînes, comme Arte, avec qui vous travaillez souvent, vous commandent des sujets et les financent ? Ou bien est-ce que vous devez trouver des financeurs par vous-même ? C'est vous qui proposez des sujets. Au niveau de comment ça se monte, en général, c'est quoi le point de départ ? Alors, le point de départ, c'est pas du tout, je fais pas de film de commande. D'accord. C'est-à-dire, on me commande pas. On peut me proposer, maintenant, on me propose des films scientifiques, forcément. Ouais. Mais en général, c'est moi qui propose le sujet, avec mon conseil scientifique, avec mon ami Benoît Grison, par exemple, on en a fait 3 ou 4. Voilà, donc moi, je propose un sujet, on écrit une page, deux pages, on va la proposer à Arte, ouais, parce que c'est le plus grand diffuseur de documentaires avec France Télévisions, mais Arte, c'est le numéro 1. C'est eux qui donnent le plus d'argent aussi, quand même. Donc, une fois que... qu'on a écrit ces 2-3 pages, on va les proposer, enfin je vais les proposer à un producteur. Alors le producteur, c'est lui qui va s'occuper de trouver l'argent. D'accord. Voilà. Donc, le producteur, première chose, il va essayer de le vendre à Arte. Voilà. Une fois que qu'on a une chaîne, un diffuseur, on va dire, donc ça veut dire qu'on va avoir une aide du CNC, voilà, complémentaire. Donc le Centre National du Cinéma, c'est voilà, ça. Voilà. Il y a des aides pour les programmes préachetés, on va dire. Que ce soit en documentaire ou en fiction. Hein. Et après, il y a des aides régionales, il y a des aides européennes, il y a des aides du CNR. Le CNRS Images, par exemple, peut participer à un film s'il y a des gens du CNRS. Voilà. Et après, le budget se monte. Et après, une fois qu'on a un premier financement, on peut chercher si le sujet est international, on peut trouver de l'argent ailleurs, dans les autres pays. Okay. Par exemple, le Blob... on l'a vendu à une vingtaine de pays. Quoi. Ah ouais. Donc, avant le tournage, on l'avait vendu aux Américains, à Nova, c'est le service public américain. Voilà. Donc, Parce que j'imagine aussi qu'en fonction du budget que vous arrivez à débloquer, bah, vous ne pouvez pas filmer les mêmes choses si vous devez faire des grands déplacements, etc. Donc le film va aussi dépendre de ce que vous arrivez à... Oui. Bon, après, les budgets sont assez... pour les films scientifiques comme ça, pour Arte, les budgets sont assez confortables. Ouais. Mais on ne peut pas aller partout, souvent. Hein, donc, parce qu'après, il y a de l'animation pour expliquer les séquences. Il y a la musique, il y a l'original, souvent. Complètement. Enfin, c'est tout le temps la musique, c'est original. Voilà, donc... Donc, globalement, Arte, il vous laisse carte blanche. Non. Non, ça serait trop simple. Non, une fois qu'ils sont d'accord sur le thème du film... sur le pitch, quoi, sur les 3 pages. On écrit, ils nous aident. Donc, nous, on va écrire un mini dossier un peu plus approfondi avec les participants au film, avec tous les intervenants. On va un peu plus loin et on demande, à ce moment-là, on demande un développement. Alors, c'est-à-dire, Arte, ils disent oui ou non. Okay. Donc, tout se joue là. Donc, tout se joue là. Donc, le développement, ils vont vous donner, 10 000 euros. Vous pouvez avoir la même chose à la région Occitanie aussi. Okay. Ils peuvent vous aider à développer un projet. Voilà. Et à partir de ce développement, ça vous permet de faire des repérages, de travailler, d'écrire et d'écrire un scénario surtout. Mm. Donc, d'écrire un scénario, ça prend du temps. Donc, une fois qu'on a écrit le scénario, on va voir Arte et puis. Ou c'est oui ou c'est non, ou retravailler, ou voilà. Donc, et s'ils valident le scénario de votre film, est-ce qu'après, à plusieurs étapes du projet, vous devez valider auprès d'eux ? Une fois que le projet est validé, après, on passe à la production. Ouais. Donc après, il faut savoir que, même, je dis souvent en ce moment, le scénario, c'est pas le film. C'est-à-dire qu'on va confronter l'imaginaire, à la fois du scénariste ou le mien, de l'imaginaire, avec la réalité. C'est-à-dire, quand vous partez au bout du monde, tourner une journée dans un labo, vous ne savez pas du tout ce qui va se passer. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire un qui cherche, où je peux savoir ce qui va se passer. Le chercheur est là, le labo est là. Là, j'ai jamais vu le chercheur, en vrai, par Zoom maintenant. Ça se passe dans une langue étrangère. Enfin, pour moi, voilà, et la difficulté commence. Donc, il faut se préparer, on se prépare, mais c'est compliqué. Et donc, forcément, ce qui a été écrit et ce qui... Ce qui sera à l'écran. C'est, souvent, c'est différent. Alors voilà, Arte, des fois, ils sont un peu embêtants là-dessus, parce qu'ils disent, vous avez vendu ça et on n'a pas... Et on l'a pas. Voilà. Puis en plus, c'est vrai que vous avez quand même filmé beaucoup des docus animaliers. Les animaux, si vous filmez des animaux qui soient sauvages ou en captivité, on ne sait jamais ce qu'ils vont faire. Vous ne pouvez pas leur demander... Oui. Mais les scientifiques, c'est pareil. Bah, hein. Oui. Ouais, c'est des petites bêtes sauvages aussi. Ouais. Hein. Non, mais souvent, il faut leur faire reconstituer leurs expériences pour bien comprendre ce qu'ils font. Sinon, voilà, il faut préparer ça aussi. Ouais. Et alors, j'imagine que selon les films, c'est très différent. Mais sur un long film comme par exemple Le Blob, entre le moment où vous avez une idée, que vous le soumettez à Arte, et le moment où le film arrive sur les écrans, il se passe combien de deux temps? Deux ans. Deux ans en général, oui. Ouais, à peu près. Un an et demi à deux ans. Ouais. Et la partie de tournage en elle-même où vous allez filmer, ça représente quelle portion? Bon, le tournage, c'est entre 20 et 30 jours. Ah oui, c'est très rapide. Ah oui, je pense que c'est bon, très avec des, je veux dire, c'est pas d'un coup. Oui, avec des coupures. C'est trois jours là, une semaine. Eh bien, on vous laisse swinguer et tournoyer le temps d'une courte pause. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. Lenin, Bobic and Kropik, Dana Kroch Bobin. Grandmoda Ernest, Mugachev Lenin, Bobic and Kropik, Dana Kroch Bobin. Байкар директ раз тек директ даум Довас дев койс раз дев дир Бадабаум Я, бадабаум Я, бадабаум Я, бадабаум Pulpitch Song de Oleg Yager, chanté en noubalsk, l'un des titres phares que l'on peut entendre dans le film Le Mammouth Pobalski, tourné par notre invité. Vous êtes bien sur Campus FM, 94 FM, dans la deuxième partie de l'émission du Nid de Pie. Et nous retrouvons Jacques Mitch, réalisateur de films, spécialisé ces dernières années dans le documentaire qui nous présente son métier. Alors on l'a un petit peu vu avant, la manière dont vous travaillez, quand vous arrivez dans un labo ou ailleurs, mais je voulais revenir un peu sur les missions précises du réalisateur, qui est donc votre rôle sur le film. Quelle mission vous avez? Parce qu'il y a la réalisation technique des images, est-ce que c'est vous qui tournez, vous avez dit pas forcément? Et est-ce que par exemple le choix de la musique, de la voix off, des effets d'illustration quand il y en a, le casting des intervenants, l'agencement des séquences, est-ce que ça vous revient également? Oh, c'est une question compliquée. Mais j'imagine. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, mais en gros, c'est vrai que réalisateur, beaucoup, les gens imaginent les réalisateurs hollywoodiens derrière leur caméra qui disent action, mais il y a plein d'autres choses à faire dans un film. Voilà, du coup, donc... comment je pourrais raconter? En fait, moi, je suis un conteur. Ouais. Voilà, je suis un conteur. Donc, je dois raconter des histoires. Donc, alors, vous prenez n'importe quelle histoire. Si vous avez 10 personnes qui vont raconter la même histoire, il y a personne qui va la raconter pareil. C'est pareil pour le cinéma. Vous avez un scénario et c'est à moi de raconter l'histoire. Donc, alors, est-ce que je dois mettre de l'humour, pas d'humour? Est-ce que ça doit être dramatique? Est-ce que je dois faire pleurer? Voilà, c'est ce genre de questions. Enfin, dans le film de fiction, mais pour le cinéma scientifique, voilà, moi, je pense que pour le cinéma scientifique, le spectateur doit rêver un peu. Voilà, même si c'est des choses sérieuses. Voilà, donc, alors, j'essaye d'amener, dans ma façon de voir les choses, j'essaye d'amener un peu de poésie, un peu d'humour, tout en restant sérieux sur la narration. Voilà, donc après vous avez un scénario qui est écrit, c'est très scientifiquement parlant, on va dire. Après, c'est à moi, quelque part, à le déstructurer, à le reconstruire, mettre une séquence peut-être avant l'autre. Voilà, ça change pas, pour moi, ça ne change pas la narration. C'est beaucoup plus efficace à la fin. Quoi, voilà, donc, voilà. Ça, c'est une chose. Après, sur les films d'Arte, la voix off, on en discute avec Arte, en fait. Voilà, ouais. Donc, alors, Arte a ses voix. Faut savoir. Donc vous n'avez pas forcément le choix sur la personne qui va interpréter. Vous pouvez pas prendre quelqu'un sur un film pour Arte. Vous pouvez pas prendre quelqu'un. Vous pouvez pas prendre n'importe qui, n'importe comment. Donc voilà, c'est une discussion. Après, vous m'avez demandé. Au niveau de, par exemple, alors même si c'est pas vous qui faites le montage, mais l'agencement des séquences. J'ai un monteur qui travaille avec moi maintenant depuis Gilles Pédousseau, qui même j'en ai deux en ce moment, j'ai deux films donc en montage. Donc alors pour moi le monteur c'est un partenaire quoi, c'est on fait une équipe quoi. Donc moi je vais filmer avec mon équipe, c'est-à-dire caméraman et preneur de son. Moi j'ai une caméra, souvent une deuxième caméra sur les gros films, et moi j'amène mes rushs chez le monteur. Je lui explique ce que j'ai filmé. Je lui explique comment je vois la séquence d'après le scénario aussi, parce qu'on a en face on a le scénario. Oui, là on confronte l'imaginaire vraiment avec le réel quoi. Et après on fait un travail à deux. Lui il a les mains dans le cambouis. Hein, c'est lui qui donc on voit ce qui a été imaginé. Si ça marche pas, on fait différemment. Voilà. C'est un travail à deux. C'est vrai. Puis le montage, c'est vraiment ce qui va donner le rythme aussi complètement, du film. Donc c'est vrai que même selon les images, avec des images identiques mais un montage différent, on n'aura pas le même film du tout. Ah mais complètement. Ouais. Après le monteur, c'est pas un presse-bouton. C'est quelqu'un qui s'investit totalement dans le film et qui va amener des idées. Le caméraman, c'est pareil. Hein. Parce que filmer quelqu'un, c'est... On peut le faire de plein de façons. Donc, je veux dire, par exemple, souvent, moi, j'aime bien filmer avant ou après la scène, parce qu'il se passe des choses souvent off. Et voilà, donc, les caméramans avec qui je travaille le savent. Ils savent très bien ce que j'aime, ce que je recherche. Et le monteur, c'est pareil, il va aller chercher des choses que j'aime bien, quoi, voilà. Par exemple, donc je demandais aussi pour par exemple la musique ou les animations, même si bien sûr c'est pas vous qui les réalisez, c'est vous qui allez donner une couleur, si vous voulez, une ambiance. Tout à fait, ouais, voilà. Ça, tout à fait. On a pour la musique souvent c'est bon, là on a carte blanche, hein. Voilà. Bon, il faut que la musique corresponde à l'ambiance du film. Surtout, non, c'est la musique originale, donc c'est fait séquence par séquence. D'accord. Il faut qu'il y ait la musique qui ait une couleur. On choisit la couleur avec la couleur de la musique, avec le monteur et avec le musicien aussi, voilà. Et puis après, les animations, dans les films scientifiques, souvent ça aide à comprendre des choses qui sont très compliquées. Ouais. Voilà, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a de styles différents. Par exemple, dans la série de documentaires que vous avez fait à l'écoute de la nature, il y a un générique où c'est un style un petit peu dessin animé au niveau des couleurs, etc. Oui. Et ça, c'est vous qui choisissez le style que vous voulez. Oui. Enfin, là, il fallait amener un peu de poésie à la... Ouais. Les films animaliers, je trouve, il y a rien de plus terrible que les films animaliers parce que c'est très formaté quoi. Ouais. Ils sont tous construits de la même façon. Pas tous de la même façon, mais il y a plusieurs schémas. Mais il y a voilà. Donc d'ailleurs, je peux en parler. Dans un de mes prochains films, je vais faire un film animalier sur les humains. Donc et je vais raconter les humains comme si c'était des animaux. Avec tous les codes du cinéma minimalier, c'est-à-dire les gros plans, les ralentis, les... Donc comme si les girafes étudiaient les humains, par exemple. Le point de vue, c'est un autre animal qui décrit le comportement voilà, des extraterrestre humains. Qui décrit cette espèce bizarre, Homo sapiens. Mais ça veut dire que du coup, vous reprenez les codes qu'on voit dans tous les docus pour essayer un peu de les retourner et s'en moquer un petit peu, du coup. Ben là, ce film, ça sera ça. Ouais. J'ai déjà fait ça il y a... 4 ans ou 5 ans maintenant, j'ai fait un film qui s'appelle Le Fils de Néandertal, où Arte, par contre, là, m'avait demandé, enfin, un producteur qui était chez Arte, m'a demandé si j'avais une idée de Poisson d'Avril. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai fait un film, un véritable pastiche on appelle ça, enfin, c'est un faux documentaire, quoi, voilà. Un documenteur, voilà. Un documenteur, oui. C'est Agnès Varda qui a inventé le terme. C'est un documenteur. Et voilà, donc on a inventé une histoire, une sépulture. Voilà. À la fin, on dit que c'est pas vrai. Ouais. Mais il est très perturbant ce film parce que je l'ai regardé et c'est vrai qu'à la fin, alors plus on avance, plus il y a des trucs de plus en plus gros quand même. C'est vrai qu'à la fin, il y a une séquence avec Alors, un homme de Néandertal, bon, on se dit quand même c'est un peu gros, mais c'est vrai que rétrospectivement, moi c'est vrai que j'ai pas de connaissances en préhistoire, il y a plein de passages où je me dis mais du coup, est-ce que tout est faux? Est-ce qu'il y a quand même des passages vrais à un moment donné? C'est vrai que ça pose la question de se dire alors... Ah, tout est faux, ouais, tout est faux. On a carrément créé une sépulture... Oui, mais c'est vrai qu'à un moment donné, par exemple, il y a des scientifiques qui donnent des noms de découvertes d'autres fossiles. Ah, mais est-ce que ceux-là existent pour de vrai? Ah oui, ça c'est vrai. Ouais, donc il y a quand même des tout petits trucs de vérité noyés... Et je l'ai fait avec avec Nicolas Tessandier, qui vous connaissez peut-être, ouais, qui est à Toulouse, qui est donc et voilà, et donc il a été, on s'est pas fait que des amis hein, dans le monde scientifique, c'est parce vrai que, ah oui, ont, oui, bah oui, oui, parce que justement c'est, enfin on va en reparler plus en détail, mais l'idée c'est quand même de faire se poser des bonnes questions aux gens, de se dire l'idée c'est ça, l'idée c'est de et que les gens se méfient aussi de ce qu'on leur raconte à la télé quand, ouais, vous avez quelqu'un qui puis les figures d'autorité aussi, se dire... Qui dit le contraire de... Je sais pas, il remettre en question Pasteur, par exemple, je trouve ça très gonflé, et comme un fou, quoi. Aujourd'hui, tout est possible, quoi. C'est vrai. Donc, mon film, c'était un peu ça, c'est de dire attention à ce qu'on vous raconte, et voilà. Et en plus, ce que je raconte dans le film, c'est... C'est vraiment, ça peut être vraiment vrai, quoi. En fait, c'est la sépulture. On trouve une sépulture d'une femme enceinte de l'âge de Néandertal, quoi. En fait, elle est enceinte d'un bébé métis, voilà. Néandertal, alors que elle, c'est la femme est Homo sapiens. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc c'est, eh bien, aujourd'hui on sait que on est tous des Néandertals au moins à 4%, ouais, entre 0 et 4%, voilà. Donc voilà. Donc dans le film on raconte ça, mais la sépulture n'a jamais existé. Bien sûr. D'ailleurs, ça a dû être amusant de recréer toutes les pièces. Est-ce que vous avez dû faire appel à des corps de métier pour reconstruire plein de choses? Oui. Il y avait Nicolas Tessandier et puis Bruno Moreille de Bordeaux, qui est spécialiste en Néandertal, qui est un grand chercheur. Et ils ont tout supervisé et tout ça. Mais bon, on s'est entendu dire qu'on ne doit pas rigoler avec la science. Ah ouais, je suis vraiment surprise. En plus, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que du coup, les scientifiques qu'on voit apparaître ont été durs à convaincre de jouer le jeu? Parce que du coup, ils disent plein de trucs faux. Ils témoignent avec leur nom, avec leur expertise de chercheur. Alors du coup, est-ce que ça, c'était compliqué à mettre en place? Mais non, mais Nicolas Tessandier, il ne s'appelle pas... Oui, mais les autres ont gardé leur nom. Par exemple, il y a Monsieur Hobbs. O2TE. Ah, mais il n'a pas voulu. Oui, il est extraordinaire. Il a gardé son nom. C'est un gars extraordinaire. Ah non, lui, il n'a pas voulu prendre le pseudo. Mais oui, il s'appelle Darwin, Nicolas Darwin. Oui, je l'ai vu, ouais. Voilà. Donc, voilà, non, ils ont pris des faux noms. Mais voilà, il y a des gens qui sont vraiment, ils ne veulent pas rigoler, quoi. Ils sont très sérieux. Même à Toulouse, j'en connais des très, très sérieux. Hein. C'est un peu beau. Ouais, j'imagine qu'ils ont peur qu'après on les décrédibilise, que leur expertise n'est pas sérieuse. Mais bon, moi, je pense que ça fait du bien à tout le monde d'avoir justement un peu cette remise en question sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Surtout à une époque où les informations vraies ou fausses circulent très, très mais bien. Mais en 5 ans, je pense que cette question s'est amplifiée quand même. Ah bah oui, avec le pouvoir des réseaux sociaux, c'est vrai que maintenant, l'information passe à une vitesse. Après, il faut regarder le film jusqu'à la fin. Parce que, complètement. si on arrête en cours de route, on n'a pas, pas la chute. mais justement, du coup, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Donc, outre vos touches d'humour, l'une de vos marques de fabrique, c'est que c'est le Fils de Néandertal, ce n'est pas le seul film où vous explorez le vrai du faux. On trouve aussi le film Crypto Puzzle, où vous parlez de l'histoire de la cryptozoologie. Donc, ces gens qui cherchent le yéti, les licornes, des animaux que l'on peut qualifier de fantastiques, ou encore les gangsters des sciences, où là, on parle de falsification scientifique. Donc, c'est quand même quelque chose qui revient souvent dans vos thématiques. Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec ce genre de film? On part de vrai du faux. Est-ce que vous voulez que les gens se posent des bonnes questions? Mais tout à fait, c'est ça. Ouais. Moi, je veux crédibiliser la science. J'aime beaucoup la science. Et je pense que aujourd'hui, avec les fake news, avec aujourd'hui, les gangsters de la science, j'ai fait ça il y a une dizaine d'années. Je pense qu'on pourrait faire une grande série aujourd'hui. Complètement. Avec tous les bandits, même qui sont dans des grands labos. Il y a des grands scandales qui ne sont pas si anciens. Moi, en éthologie, il y a un chercheur qui était très connu, un primatologue, qui a été mis comme ça au placard parce qu'on s'est rendu compte que pendant des années, il avait falsifié ses résultats. Quoi. Voilà. Et ça existe encore aujourd'hui. À mon avis, encore plus, avec l'argent. Avec, puis la course à la publication, la course à la productivité qu'il y a dans ce milieu-là. Il y a un film qui est l'an dernier, ça n'a rien à voir avec ça, mais qui s'appelle La Fabrique de l'ignorance. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je ne l'ai pas vu. C'est un film à voir. Ouais. qui justement parle de la, comment on fabrique la connaissance. Oui, il parle de, ben oui, il parle de comment on peut la détourner et pourquoi, et voilà, donc un peu. Moi, mon film Cancer de la science, c'était trois cas exemplaires, quoi, voilà. C'est vrai qu'on parle des codes du documentaire depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui, pour vous, fait un bon documentaire? Question compliquée, mais. Un bon documentaire, pour moi, c'est un film où, à la fin, le spectateur se pose des questions. Je ne suis pas là pour donner un cours de paléontologie, de biologie. Moi, j'aime bien que les gens ils sortent de mes films en se posant des questions. Voilà. Okay. Ça, c'est, à mon avis, c'est le premier truc. Quoi. Enfin, ou même le dernier. Et quand on s'est appelé pour préparer l'émission, vous m'avez parlé de l'un de vos films, L'Esprit des Plantes, et vous m'avez dit, celui-là, j'en suis satisfait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un film va plus être, je ne sais pas, cocher les cases, parce que j'imagine que vous aimez tous vos films, vous passez du temps dessus, c'est beaucoup de travail, c'est de l'investissement. Qu'est-ce qui va vous satisfaire davantage dans l'une de vos productions plutôt qu'une autre? Bon, après, quand je regarde les films, vous savez, vous faites un film, le montage, ça dure 3 mois, par exemple. Et après, quand vous revoyez le film, par exemple, certains films aujourd'hui, je me dis, j'aurais pas fait ça comme ça aujourd'hui. Oui. Voilà, c'est normal. voilà. Et il y a des films que, comme L'Esprit des Plantes, je pense que je ferais pareil, voilà. Donc, vous voyez, c'est et plus en accord avec ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, en fait. Oh, même esthétiquement. Ouais, esthétiquement, okay. Je trouve que c'est maladroit, que voilà. Donc, c'est comme pareil. Hein, c'est pour les musiciens. Je pense que pour les musiciens, c'est. Mais à un moment donné, il faut se jeter, quoi. Donc, le passage à l'acte, c'est très important. Donc, on est obligé, quoi. Et après, des fois, on le regrette un peu, mais bon, en général. Et puis c'est un long processus, puis j'imagine qu'à un moment donné, vous avez plus le choix, il y a une deadline, alors que vous pourriez peaufiner, recouper, refaire autrement, ouais. Il faut le rendre. Et puis quoi. Le film est terminé, on n'est pas au théâtre, ouais. Où on peut rejouer le lendemain. Bah oui, complètement, même refilmer, c'est vrai que vous disiez, une fois que vous avez vos images en boîte, il faut faire avec votre matériel source, voilà. Et puis... Ça coûte, en plus, ça coûte cher quand même de faire des films, donc... Advienne que pourra ensuite. Alors, grande question, c'est vrai qu'on l'a un petit peu évoqué. Sur quel projet travaillez-vous en ce moment? Je sais qu'il y en a plein. Alors, du coup, vous nous avez parlé ce fameux film où les humains sont étudiés sous le prisme. Voilà. Voilà, ça s'appelle Homo Animalis. D'accord. Ouais. Celui-là, il est à quel stade de développement vous avez... Là, on a écrit le scénario. D'accord. On devrait tourner au printemps. Voilà. OK. Voilà, donc ça, là, je viens de terminer, mais vraiment de terminer un film qui s'appelle Les super pouvoirs de la musique. D'accord, qu'on pourra voir sur Arte. Sur Arte, okay. Je sais pas quand, peut-être en fin d'année ou peut-être pas en fin début d'année. 2023, début 2023 peut-être. Ouais, début 20. Mais bientôt en tout cas. Là, il est terminé. Ok, ouais, tout est fini. J'ai fait l'avant-première à Toulouse la semaine dernière. Donc, à la Cinémathèque. Voilà, à la Cinémathèque. Ouais, complètement. Voilà. Après, je suis en train de monter un film là sur. Ça fait plus d'un mois que je monte un film sur les épizooties. D'accord. Alors, c'est un film très sérieux. C'est un sujet un peu lourd, en plus. Les épidémies animales, tout ça, voilà. Donc, là, on est allé en Côte d'Ivoire, dans la jungle, dans la réserve de Thaï, en Côte d'Ivoire. Voilà. Après, je suis allé, pour ce film, je suis allé en Allemagne, je suis allé en Suisse. Après, c'est pas moi qui suis allé, mais il y a une équipe qui est partie au Laos, une équipe qui est partie en Mongolie et une équipe qui est partie aux États-Unis. Ah, voilà. Vraiment un film qui pour va partout. Pour filmer une journée ou deux chaque fois. Wow. Voilà, c'est des nouveaux trucs. Voilà. Et puis voilà, ça c'est un film qui est en montage. Donc normalement, il devrait se terminer. Le montage devrait se terminer en fin d'année. Voilà. Et ça, ces sujets-là, est-ce que vous avez un matériel source, un livre à partir duquel vous travaillez? Non, là non. Là, non. Non. Là, ok. Non. Là, non. Par contre, c'est le cas pour les autres, par exemple, celui sur la musique. Sur la musique, c'était l'adaptation d'un livre de Barbara Tillman et Emmanuel Bigan, qui a été édité chez Humaine Science. Voilà, donc c'est une adaptation, mais là aussi une adaptation libre et... Voilà, mais j'imagine que quand vous travaillez sur un matériel source comme un livre, vous avez aussi peut-être... Alors, je ne sais pas à quel point vous avez la pression de respecter un peu ce qu'il y a dans le livre ou si vous êtes vraiment très libre et de vraiment l'utiliser. Non, mais la personne, les auteurs du livre étaient conseillers scientifiques. Bon, il y a eu beaucoup de discussions parce que des fois, les scientifiques ne voient pas... Après, il ne faut pas raconter de bêtises. Moi, le conseiller scientifique est là pour nous remettre en place sur la science, quoi. Ouais. Il ne faut pas raconter des voilà. Alors ça, c'est les deux projets. J'ai un projet à montage aussi, mais là, ça fait plus d'un an que je tourne. D'accord. Sur Jean-Sébastien Steinbach. Ok. Donc, et l'ensemble baroque de Toulouse. Ouais. Donc, je les suis depuis plus d'un an, quoi. Depuis septembre, l'an dernier. Donc, un projet très en immersion. Là, vous êtes avec les équipes, vous les suivez au quotidien pendant plusieurs mois. Plusieurs mois, un tournage de plusieurs Non, ouais, parce que non là, mais des fois j'y vais tout seul, des fois j'y vais avec mon équipe. Voilà. Mais là, on a presque, c'est presque terminé. D'accord. Donc voilà. Voilà, ça c'est le deuxième projet en cours. Après, j'ai. Alors ça, c'est bon. J'ai une série aussi qui va vous intéresser. Voilà. C'est sur le réchauffement climatique vu par les animaux. Donc okay. Ça, ça devrait se faire l'an prochain. Pareil. D'accord. Ça sera une série, ça. C'est plusieurs comme épisodes. Comme à l'écoute de la nature. Ouais. Il y avait trois épisodes de plus un best-of, ça fait 45-50 films. Voilà. Okay. Ça, c'est signé. En développement, j'ai un film de, sur le... Ça, je vous en avais parlé hier. C'est sur les animaux et la mort. La mort, oui. Le deuil chez les animaux. Ouais, enfin, le deuil, entre guillemets. Mais, ouais, voilà, voilà. Et ça, ça c'est un développement. Vous voyez, donc, là, on est vraiment en développement. Okay. Il y a une scénariste qui écrit le film en ce moment. Voilà. Mais vous savez déjà quel format ça, il prendra ? 52 minutes. 52 ouais. minutes, oui. Ouais. Parce que ouais. ça, entre le choix de la série en épisode ou en one-shot, en un seul gros film, ça se décide, pareil, à la phase... C'est avec Arte, ça. C'est avec Arte qui décide, oui. Ouais. Okay. Mais bon, la mort et les animaux, c'est un film science, quoi. Hein. Ouais. C'est parce que c'est, voilà, c'est la thanatologie comparée, on appelle ça. Complètement. Alors que l'autre, c'est plus découverte et animalier, c'est les animaux, les animaux et le réchauffement climatique. Mmh. Donc, on va prendre plein d'exemples. Voilà. Après, il faudra mettre ça en forme. C'est mon boulot. L'agencer, voir voilà, tout ça. Donc. Eh ben, je vois que vous avez du pain sur la planche. il y a de quoi faire. J'ai dû oublier des choses, en fait. Ça fait déjà quand même... Là, vous êtes occupé pour plusieurs années avec tout ça. Le temps que chaque film sorte, ça fait quand même un petit... Oui, c'est pas mal. Hein, quand même, hein, le planning est plein. Alors, une dernière question, peut-être pour finir, mais qui est une question compliquée. Vous avez le droit de botter en touche. Si vous pouviez faire le film de vos rêves, c'est-à-dire avec les moyens, le sujet, la technique, vous avez tout ce que vous voulez... Sur quoi est-ce que vous le feriez ? Bah, en fait, j'aimerais refaire de la fiction, parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Et ce que j'aimerais faire, c'est un de mes projets, mais ça fait 10 ans que je travaille dessus, mais pas assez certainement, parce que ça n'a pas avancé. J'aimerais adapter les nouvelles de John Reel, qui est un auteur danois. D'accord. Un peu dans le même esprit que Jack London, des choses très naturalistes ou pas du tout ? À ma façon, quoi. D'accord. À la façon du Mahmoud Pobolski, voilà. Et essayer de... En fait, c'est des nouvelles. Il a écrit... Vous connaissez, certainement bah, pas du tout. Moi, c'est vrai que les écrivains... Des nouvelles, en fait, ça se passe... C'est des histoires de chasseurs, en fait, d'accord. au Groenland. D'accord. Qui vivent dans des cabanes et c'est leurs histoires, quoi. C'est pas forcément de chasse. Ouais, hein. ouais. Histoire humaine entre... Comment ils vivent, ouais. Comment ils vivent. Et c'est écrit de façon burlesque. C'est extraordinaire. Ouais. Et moi, voilà, j'aimerais bien faire ça... voilà, ça serait même, c'est un projet énorme, quoi. Donc, trouver le producteur déjà, parce que ça fait peur aussi de tourner. Mais moi, je suis capable de le tourner dans les Pyrénées. Oui, c'est ça. Puis j'allais dire, avec le Mahmoud Pobolski, vous avez déjà tout le matériel, les fourrures. Ah non, mais c'est vieux, déjà... le Mahmoud, il a 15 ans maintenant, donc on a tout. C'est tout. Non, mais on pourra. Enfin, je veux dire, c'est pas le problème. Enfin, tourner au Groenland, ça doit coûter très cher déjà. Et puis pour le matériel, c'est pas évident. Puis il faut se dépêcher avant que tout fonde. Que tout fonde, exactement. Bon, alors, il n'y a plus qu'à vous souhaiter d'avoir le producteur rapidement pour faire le film tant qu'il y a de la neige. Voilà. C'est ce qu'il faut vous souhaiter. Eh bien, merci beaucoup, Jacques, merci. Pour avoir répondu à mes questions. On a hâte de voir toutes vos prochaines productions sur nos écrans. On finit, comme d'habitude, avec quelques conseils lecture. Pour conclure cette émission, j'aimerais vous recommander un livre et une collection de films. La chronique de cette émission tire toute sa substance du livre intitulé « Anatomie et biologie des rhinogrades » écrit par le professeur Harald Stumke et publié aux éditions Duno en collaboration avec le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Cet ouvrage de 136 pages, richement illustré, est la bible ultime en matière de rhinogrades. Initialement publié en 1962 par les éditions Masson et traduit par Robert Weil, ce livre est une version augmentée présentant les toutes dernières découvertes sur ces mystérieux petits mammifères. Vous saurez tout de l'écologie et des mœurs des différentes espèces de nasins. Certains ajouts apportés par le professeur Guillaume Lecointre bouleversent tout ce que nous savions de leur génétique, et donc de leur classification. Les planches colorées originales de Gerolf Steiner mettent en image les comportements de ces créatures singulières et sont complétées de nouvelles planches, réalisées par Delphine Zigoni, où les nasoperforateurs découverts en 2006 sont à l'honneur. Tout naturaliste exigeant se doit d'avoir cet ouvrage dans sa bibliothèque, alors je vous le recommande chaudement. Actuellement indisponible chez l'éditeur, il semblerait qu'une réimpression soit au programme. Alors, haut les cœurs! Je ne peux ensuite que vous conseiller de vous plonger dans la filmographie décalée et bigarrée de notre invité. Je vous avais déjà conseillé deux de ses documentaires dans des émissions passées. On l'appelait Canel, dans l'épisode numéro 42 avec Brian Aiello, taxidermiste au Muséum de Toulouse, et Le Blob, un génie sans cerveau, dans l'épisode numéro 33 avec Léa Briard, chercheuse qui travaille sur Le Blob en post-doctorat. Si vous voulez découvrir ces films de fiction, le DVD intitulé Jacques Mitch, l'intégrale des courts-métrages, est édité par Chalet Pointu et fait pour vous. Vous y trouverez le film Le Mammouth Pobalski, prix du public au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand en 2006, mais aussi des portraits courts, décalés, poétiques ou déjantés, tels que Madame Rini, marchande de pizza, ou Hermann Heinzel, ornithologue. Tous ces personnages bariolés, étranges et touchants vous emmènent dans l'univers du cinéaste, qui ne cache pas ses inspirations, comme dans « Bonjour, je vais à Toulouse » qui évoque Tati. Si en plus vous achetez le DVD, vous aurez la chance de profiter d'une initiation à l'oubalsk, la langue parlée dans le Mammouth Pobalski, grâce au dictionnaire fourni. Alors, d'akavoy an glutogormandin. Et si, après cette excursion fantasque en Sibérie, vous voulez visionner les films documentaires de Jacques Mitch, restez vigilant à la programmation d'Arte. Une grande partie de ces films est également disponible gratuitement sur le compte Vimeo de notre invité. Je vous glisse le lien dans les suppléments de cette émission. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM, et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur internet via le site lenidepie.com. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures animalières, et d'ici là, gardez la pêche !